Bienvenue dans cette première émission du Châssis Borg et les lois de la croquette cybernétique. Aujourd'hui, pour cette première émission, je vais faire un petit flashback et on va parler de livres plus précisément, puisqu'on va parler de la collection Terreur chez l'éditeur Pocket. Une collection défunte, entre guillemets, et qui a sévi durant, à partir de 1989 jusqu'en 2003. Et cette collection a vu se côtoyer divers auteurs, donc plus ou moins célèbres selon le cas. Moi personnellement, m'a fait découvrir bon nombre d'auteurs. Donc on y a vu par exemple passer Shirley Jackson avec The Haunting of Hill House, Stephen King, Graham Joyce. On a vu aussi donc Graham Joyce avec L'Intercepteur de cauchemar. J'ai lu, y a pas très, que j'ai relu avec plaisir il n'y a pas très très longtemps, mais aussi Robert Bloch avec Psychose, Anne Rice, Entretien avec un vampire, James Herbert avec Sanctuaire par exemple, Thomas Harris, Dragon Rouge, Barbara Hambly, Dean Koontz, John Stickley, etc., etc. La liste est assez longue et assez impressionnante. Et la particularité de cette collection, je m'en souviens très nettement. D'ailleurs, j'en ai deux ou trois volumes encore ici. La particularité de cette collection, je disais, c'était son écran noir en fait. Elle était sur tout de noir et avec l'écriture en rouge et avec des illustrations pour chaque livre. Alors les illustrations selon les auteurs. Donc je parle ici au niveau de l'illustration. Ça dépendait, enfin, les auteurs étaient plus ou moins inspirés, on va dire. Mais voilà, il y avait une patte indéniable dans cette collection. Donc il y avait l'illustration principale de la page avec en haut un petit bandeau et sur la tranche, voilà, qui rendait, je trouvais, cette collection un peu particulière et bon, qui accrochait l'œil indéniablement. Moi, je me souviens très bien avoir passé pas mal de temps dans les rayons des diverses enseignes où je me procurais ces livres. À choisir lequel prendre en fait hein, tout simplement parce que voilà j'arrivais pas à me décider et bah du coup puis en plus j'aimais bien regarder les différentes illustrations des couvertures et puis surtout choisir le thème que j'allais aborder avec un de ces livres tout simplement. Donc le fait est, comme je disais tout à l'heure, que j'ai découvert pas mal d'auteurs, et ça a été aussi, je pense, un tremplin pour certains auteurs. Et notamment, je souhaiterais vous parler d'un auteur dans cette émission, qui est Graham Masterton. Alors Graham Masterton, on ne peut pas dire que ce soit un auteur qui avait besoin de tremplin. À l'époque. Pour la petite histoire, donc Graham Masterton, c'est un auteur écossais qui a commencé dans le journalisme, puisqu'il a été rédacteur en chef d'une revue à tendance érotique. Et donc le monsieur s'est ensuite lancé dans l'écriture de livres, avec succès. Alors après, on n'aime pas le style, mais en tous les cas, moi j'avais accroché et. C'est vrai qu'on peut dire que Graham Masterton a été un peu le fer de lance de la collection, parce que bon nombre de ses romans étaient dans la collection Terreur hein, de chez Pocket. Là, en ce moment, je relis Le Démon des Morts, un livre que j'ai lu oui, il y a à peu près un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, qui raconte quoi? Donc, c'est celui que je relis en ce moment. Et donc ça raconte l'histoire d'un promoteur, enfin non, d'un antiquaire, pardon, qui est John Trenton, qui a perdu son épouse récemment. Et celle-ci lui revient en fait sous forme d'apparition, mais une apparition un peu particulière, c'est-à-dire que c'est pas une apparition bienveillante. Et donc John Trenton va s'apercevoir que dans les alentours, à Granite Head, qui est proche de Salem, va s'apercevoir qu'il n'est pas le seul à voir ces apparitions en fait. Et ces apparitions ne sont pas bienveillantes, il va y avoir des morts. Et au fur et à mesure qu'il va, entre guillemets, enquêter, de faire sa petite enquête malgré lui, il va s'apercevoir que l'origine de ces apparitions vient d'un navire qui a coulé il y a quelques siècles de cela au large de Salem, ce navire s'appelant le David Dark. Donc voilà pour l'histoire, je vous en dis pas plus pour si vous n'avez pas lu, si vous souhaitez le lire, pour ne pas vous spoiler. Malgré toutes ces années, moi je me souviens encore de quasiment de la fin, un détail près, mais je le relis avec plaisir parce que j'aime beaucoup le style de Graham Masterton. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, après on aime ou on n'aime pas. Ce qu'il faut savoir avec Graham Masterton, c'est qu'il n'a pas froid aux yeux. C'est-à-dire que, alors, je trouve dans l'écriture, c'est écrit avec tact en fait, c'est pas de la grosse écriture qui tâche ou quoi que ce soit. C'est vraiment bien amené, je trouve qu'on arrive à rentrer dans le quotidien de ces personnages assez facilement, il y a des détails qui sont bien amenés. On arrive à se mettre dans la peau des personnages, en tout cas ceux que j'ai lus, j'ai pas tout lu hein, de Graham Masterton. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, comme je vous disais, le bonhomme n'a pas froid aux yeux, donc on part dans un what the fuck en fait, mais voilà, c'est. En gros, vous en avez pour votre argent, quoi. Si vous achetez Graham Masterton pour lire un roman horrifique, voilà, vous n'êtes pas floué à ce niveau-là. Il n'y a pas de doute possible. Mais pour autant, il y a quand même, je trouve, une finesse chez Graham Masterton. Alors, pour parler un peu de ses autres œuvres, hein, tout du moins celles que j'ai lues, notamment il y a la saga de Jim Rook, hein, qu'il continue actuellement, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est l'histoire de Jim Rook. Alors c'est pareil, j'en ai eu qu'un seul, et puis je me base sur ma mémoire. Jim Rook, c'est un professeur de collège qui va être confronté à des événements surnaturels, et notamment tout ce qui est magie ancestrale. Hein. Donc par exemple, vous allez avoir magie vaudou, magie maya, magie indienne, etc. Moi de mémoire, j'avais lu magie vaudou, et franchement, j'avais trouvé ça sympa. Bon, je n'avais pas souhaité poursuivre pour autant, parce que j'étais pas peut-être un petit peu moins dans le truc à ce moment-là. Mais sympa, sinon. Il y a eu aussi la saga du Manitou. Manitou, dont le premier volet, je crois, avait été adapté au cinéma avec Tony Curtis, notamment. Je me souviens plus de la date, plus de l'année exactement. La saga des Guerriers de la Nuit aussi, j'avais lu le premier volume. Après, c'était surtout des standalone en fait. Après, hors ces sagas-là, il y a eu des standalone, donc des romans seuls en fait, hein, tout simplement. Dont Le Démon des Morts fait partie. Mais il y avait aussi un que j'ai relu hein, récemment, qui est Le Portrait du Mal, donc un clin d'œil au portrait de Dorian Gray, tout simplement. Excellent aussi, j'ai trouvé. Et puis, donc il y a eu Démence, Apparition. Alors Apparition, je l'ai lu il y a très très longtemps, je ne me souviens plus, mais il y a un petit côté Lovecraftien, un petit hommage à Lovecraft à ce niveau-là. Il y a eu Le Miroir de Satan, là aussi, hein, on rentre dans le what the fuck à un moment donné, et vraiment vraiment bien. Mais toujours dans le bon ton, je trouve. Et puis il y a aussi Elle, l'histoire d'une petite fille qui disparaît et qui revient, qui ne revient pas seule. Enfin, il disparaît, qui est décédée aussi et qui ne revient pas seule visiblement, qui est accompagnée. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Donc voilà. Donc c'est voilà, l'auteur est assez prolifique hein, et voilà, c'était vraiment le fer de lance de cette collection Terreur. Et moi, je ne le regrette pas de l'avoir découvert. Je vous le conseille si ce n'est pas le cas. Ça sera tout pour cette première émission. Je vous remercie de l'avoir écouté. Alors, le chat cyborg se cherche encore un petit peu. C'est-à-dire qu'on va surtout aborder divers thèmes dans la lecture, le cinéma peut-être, le jeu vidéo, donc le gaming, le rétro gaming également aussi. Je vous en parlerai peut-être. En tous les cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et je vous remercie encore d'avoir écouté ceci. Et je vous dis à très bientôt.